Nous allons prendre maintenant le verbe vendere, vendre. Et vous allez dire pourquoi ne voulez-vous pas que je le vende en vous voyant votre interlocuteur. Perché non vuole che lo vendi? Che lo venda? Oui. Comment avez-vous fait pour retrouver que je le vende? Je suis partie de la forme qu'on utilise pour donner un ordre. Vendere, c'est un verbe en ere, donc vendez, c'est venda. Parfait. Vous êtes très bien débrouillé. Perché non vuole che lo venda? Pourquoi ne voulez-vous pas que je le vende? Maintenant, comment diriez-vous je ne veux pas que vous le vendiez? Toujours en vous voyant votre interlocuteur. Non voglio che lo venda. Non voglio che lo venda. Tout à fait. Vous voyez qu'après des verbes exprimant une volonté, un souhait et donc quelque chose de subjectif, on utilise le subjonctif. Intéressons-nous maintenant à la phrase « Je veux que vous le fassiez ». Pour traduire « que vous le fassiez », si vous vous voyez votre interlocuteur, vous allez partir du présent, de « je fais ». Comment dit-on « je fais » ? Faccio. Faccio, oui. Et pour former le subjonctif de la troisième personne, qu'il ou elle fasse au singulier, ou que vous fassiez pour le vouvoiement, on remplace le « o » de « faccio » par un « a », ce qui donne faccia. C'est ça, faccia. Donc, je veux que vous le fassiez, c'est voglio che lo faccia. Voglio che lo faccia. Oui, très bien. Vous êtes parti de je, faccio, pour arriver au vous du vouvoiement, faccia. Vous pourriez dire encore, je veux que vous me le disiez, en suivant la même méthode, c'est-à-dire en partant du je. Je dis. Dico, voglio che me lo dica. C'est ça. Voglio che me lo dica. Maintenant, vous allez demander à quelle heure veux-tu que je finisse? Encore une fois, vous allez partir de je au présent. Je finis. Comment dit-on je finis? Finisco. Finisco. Et donc, que je finisse se dira que finisca. Que finisca, oui. Alors, dites maintenant la phrase en entier. À quelle heure veux-tu que je finisse? A che ora vuoi che finisca? C'est ça. A che ora vuoi che finisca? Comment diriez-vous je veux que vous m'appeliez si vous vous voyez votre interlocuteur? Voglio che mi chiama. Quel est l'infinitif, le verbe appeler? Chiamare. Chiamare, oui. Donc, nous avons ici un verbe en are. Pour les verbes en are, je vous rappelle qu'on a un i partout au singulier. Tandis que pour tous les autres verbes, on a un a. C'est le même principe que quand on donne un ordre à une personne que l'on vous voit. Donc, ici, on partirait de appeler. EZ. Comment diriez-vous ça? Chiami. Chiami, oui, appeler, c'est-à-dire l'impératif, qui sert à donner des ordres, mais aussi à former le subjonctif. Alors, maintenant, reprenons notre phrase. Je veux que vous m'appeliez. Voglio che mi chiami. Voglio che mi chiami, c'est ça. Parfois, lorsqu'en français on emploie un subjonctif, on l'emploie aussi en italien. Dans d'autres cas, on l'emploie en italien mais pas en français. Dans la phrase « je veux que tu partes » est un subjonctif en français. Et pour dire la même chose en italien, on utilise aussi un subjonctif. Voglio che tu... Che tu... Che tu parta. Très bien. Voglio che tu parta. Maintenant, dites-moi, Je ne veux pas que tu partes. Non voglio che tu parta. Bien. Non voglio che tu parta. Voilà donc un exemple où les deux langues se comportent de la même façon. Prenons maintenant la phrase « Je pense qu'il veut partir ce soir ». Là, on n'a pas un subjonctif en français, contrairement à l'italien, où il faudrait dire « Penso che lui », mot à mot, « qu'il veuille partir ce soir ». Comment dit-on « qu'il veuille » ? Je vous rappelle que le subjonctif, c'est comme quand on donne un ordre. Et que pour donner un ordre, on part du « je ». « Je veux », c'est « Voglio ».« Voglio », c'est ça. Et pour donner un ordre à quelqu'un qu'on vous voit, ou pour dire qu'il veuille, qu'est-ce qu'on modifie dans « voglio » ? La fin. « Voglia ». « Penso che lui voglia partire stasera ». Voilà. « Penso che lui voglia partire stasera ». Je pense qu'il veut partir ce soir. L'italien est plus logique que le français dans cette phrase. Il emploie un subjonctif parce qu'il s'agit simplement d'une opinion, je pense, et non pas d'une certitude. À chaque fois qu'il y a un doute, quelque chose de subjectif, on utilise le subjonctif en italien, tandis qu'en français, c'est moins systématique. Cette différence entre les deux langues disparaît si on transforme en négation la phrase que nous venons de traduire. « Je ne pense pas qu'il veuille partir ce soir. » Vous voyez que cette fois, il y a bien un subjonctif en français, « il veuille ». Et en italien, ce sera « Non penso che lui voglia partire stasera ». Très bien. « Non penso che lui voglia partire stasera ».